Les Sud-Coréens de différentes couches s'engagent dans la lutte violente contre la disposition forcée en Corée du Sud des équipements de SAD par les États-Unis, notamment la rampe de lancement, apprend-on d'après les presses sud-coréennes. L'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Bakouni a publié le 7 une déclaration exigeant des autorités l'arrêt immédiat du déploiement de SAD et l'évacuation des équipements accessoires. L'Action civile contre le SAD et pour l'expulsion du bacille du charbon a organisé le 8 une conférence de presse devant la base aérienne américaine d'Osan pour demander le démantèlement immédiat des installations accessoires de SAD déjà introduites. Les habitants de Songjo et de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord ont livré une action commune. Ensemble avec le comité de mesure de Busan, d'Ulsan et de la province du Gyeongsang du Sud, nous déployerons une lutte solidaire pour faire arrêter la disposition de SAD et en même temps, nous procéderons à l'action juridique, y compris la dénonciation au parquet de 4 intéressés des autorités militaires, le ministre de la Défense Han Ming-ho en premier lieu, pour l'abandon de fonction, ont-ils déclaré.